j'ai su qu'un instituteur et puis une institutrice qui venaient d'arriver pour aller dans un douar en Algérie pour enseigner aux jeunes arabes, ils se sont fait égorger. Et c'est comme ça que la guerre d'Algérie a commencé. Ah bon? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait d'ailleurs.